Chapitre 3e. Du mois d'octobre au mois de décembre, il était ainsi sorti régulièrement tous les jours. Mais quand le froid s'était fait rigoureux, on ne l'avait plus vu descendre que vers 4 heures. Où déjeunait-il? Sans doute il rapportait le soir ce qu'il lui fallait pour manger, car jamais il ne s'était fait rien servir chez le marchand de vin. Jamais la boulangère ne lui avait monté du pain. Il ne devait pas rester à jeun jusqu'à 3 ou 4 heures. Cela ne s'accordait plus avec l'idée qu'il devait être un agent de police, car les agents de police roulent sur l'or, comme chacun sait, et c'est même pour les payer qu'on augmente les impôts tous les ans. En tout cas, on avait été soulagé de penser qu'on n'avait rien à craindre de lui, et qu'il était plutôt un pauvre homme qu'un méchant homme. Il y avait à peu près 10 ou 12 jours que Paris était sous la neige, lorsqu'on crut remarquer que M. Passereau ne sortait plus. Mais il eut divergence sur ce point. Était-il sorti? N'était-il pas sorti? De même, il eut divergence aussi sur cet autre. Était-il ou n'était-il pas rentré? Grand sujet de conversation, car enfin, s'il était dans sa chambre, de quoi vivait-il? Que mangeait-il? Que buvait-il? Il était peut-être malade. Peut-être était-il mort. On meurt de toutes les manières, naturellement ou volontairement. Il n'avait pas l'air heureux. S'il s'était suicidé, le mieux serait peut-être de prévenir le commissaire. Au moins, on saurait quelque chose. Oui, mais c'est si ennuyeux d'introduire la police dans une maison. On interroge tout le monde. Il y a un tas de questions bêtes. La dernière chose précise qu'on savait de lui, c'était qu'il avait emprunté un timbre au marchand de vin pour affranchir une lettre. Et même le marchand de vin avait lu l'adresse de cette lettre. Madame la baronne de Saint-Hubert, avenue Friedland, Paris. Il avait porté lui-même la lettre à la boîte de la rue Lepic, et il était rentré tout de suite. En allant comme en revenant, il marchait tout doucement et sans faire sonner ses talons. N'était-il pas étonnant qu'il eût emprunté un timbre quand il aurait aussi bien pu l'acheter au débit du tabac où se trouve la boîte? Enfin, depuis ce jour, on ne l'avait pas revu. On avait écouté à sa porte, on n'avait rien entendu. Cela ne pouvait pas qu'il ne fût pas chez lui, surtout s'il était mort. Mais quand même, il ne serait pas mort. Il prouvait très bien n'avoir pas fait de bruit au moment où l'on écoutait à sa porte. La chambre qu'il occupait s'appuyant d'un côté sur la cage de l'escalier, il n'avait qu'un voisin, ou plutôt qu'une voisine. Et si quelqu'un avait dû entendre ce qui se passait chez lui, c'était elle, une repriseuse, Mademoiselle Angélique. Par malheur, pour la satisfaction de la curiosité générale, Mademoiselle Angélique ne se mêlait pas aux conversations de ses voisines. Un mot de politesse en passant lorsqu'elle descendait, et c'était tout. Mais on pouvait l'interroger. Si quelqu'un était en situation de savoir quelque chose, à coup sûr, c'était elle. Quand du matin au soir on travaille en reprise dans le neuf et dans le vieux, on ne fait pas de bruit. On entend ce qui se passe autour de soi. Ce n'était pas son serein qui pouvait l'étourdir. Ce n'était pas non plus son chat gros Milord. Quant à la société qu'elle recevait, elle n'avait pas pu davantage la distraire. Jamais personne, si ce n'est les garçons du magasin qui lui apportaient les pièces d'étoffe dans lesquelles elle devait boucher un trou ou un accroc. Tous les jours, même le dimanche, au travail, l'aiguille à la main. N'y tenant plus, on décida de l'interroger et deux commères montèrent dans ce but au 3e étage, mais bien entendu, avant de frapper à la porte de Mademoiselle Angélique, elles écoutèrent à celle de M. Passereau. Aucun bruit, ça ne sentait pas le mort non plus. Elles entrèrent chez la repriseuse. Celle-ci était au travail, devant une grande table, sur laquelle était dépliée une pièce de cachemire noir. Dessous se trouvaient empilées d'autres pièces d'étoffe. Le mobilier de la chambre était d'une extrême simplicité, mais aussi d'une extrême propreté. Le meuble en noyer, si luisant, qu'il était assurément frotté tous les matins. Au lit, un couvre-pied en basin à ramage avec raie mat, et des rideaux en percale blanche. Sur la cheminée, un cartel en albâtre flanqué de 2 pots de fausses fleurs gagna une loterie. Le carreau en couleur cirée. Par une porte vitrée entr'ouverte, on apercevait une petite cuisine dans laquelle un pot-au-feu qui bouillait dégageait une bonne odeur de soupe grasse. À la fenêtre se tenait le chat gros Milord, superbe de dignité, les pattes dans son manchon, et en face de lui, dans une cage, un serin qui sifflait en le regardant comme pour le charmer. En voyant entrer ses voisines, Angélique s'est élevée et elle se tenait debout devant elle, un peu surprise évidemment de cette visite. C'était une jeune femme de 23 à 24 ans, de petite taille mais bien prise. La tête agréable, plutôt que jolie, avec une physionomie douce, tendre et sérieuse. La tenue soignée dans sa toilette des plus modestes, en flanelle bleue à points noirs, avec un col et des manchettes en percale. « Vous êtes surprise de nous voir ?» dit l'une des voisines. « Voilà ce que c'est !» Et elles racontèrent les inquiétudes qu'on avait dans la maison sur le compte de M. Passereau, le locataire d'à côté. N'avait-elle rien entendu ?« Rien de particulier. Quelquefois la nuit, quand elle était éveillée, elle l'entendait rentrer. Le matin, vers midi, quand elle ouvrait sa fenêtre pour balayer sa chambre après déjeuner, elle l'entendait s'ébrouer, en se jetant des flots d'eau comme un oiseau qui se baigne. Mais en ces derniers temps, elle n'avait rien entendu. Les voisines durent se contenter de cela, ce qui n'était pas grand-chose. Mais avant de redescendre, elles recommandèrent de faire bonne garde et de bien écouter, car pour sûr, il y avait là un mystère, peut-être un drame. Angélique aimait l'idée que l'on pouvait frapper à sa porte, mais les voisines la repoussèrent. « S'il n'y a pas du nouveau demain, on préviendra le commissaire. »« Croyez-vous donc qu'il est mort ?»« Dame, c'est possible !» Et ils racontèrent toutes sortes d'histoires de gens qu'on avait ainsi trouvés morts dans leur chambre, par accident, ou même assassinés. Les voisines parties, elle écouta, mais sans rien entendre. Tout en travaillant, de temps en temps, elle prêta l'oreille. La nuit était venue et elle avait allumé sa lampe dont elle augmentait la lumière en la faisant passer à travers une boule d'eau. Le serin était muet, et Gros Milord, quittant la fenêtre, était venu s'enrouler autour de la lampe pour en recevoir la chaleur sur son ventre. Il dormait là, béatement, les yeux mi-clos, le nez en l'air, la tête enveloppée dans ses gros et larges favoris gris. Le silence était établi dans la maison. Dans les rues voisines ne retentissait aucun bruit de voiture ou de pas. Au loin grondait le ronflement sourd de Paris, au-dessus duquel planait une grande lueur rouge reflétée par la blancheur des toits. Elle avait le cœur serré, et pensant à ce pauvre homme, qui était peut-être malade, là, à côté, se mourant tout seul, peut-être, elle faisait un triste retour sur elle-même. Elle aussi, elle était seule, sans parents, ayant perdu son père quand elle était enfant, sa mère depuis 2 ans, et n'ayant que des oncles et des tantes en province, qu'elle connaissait à peine. Qui s'occuperait d'elle si elle était malade ? Là-dessus, se penchant, elle embrassa son chat. « Ce n'est pas toi, mon Gros Milord, toi qui es pourtant si bon. » Il était donc abandonné, le malheureux. Il n'avait donc personne, ni enfant, ni parent, ni ami. Et s'il était dans cette chambre sans cheminée, comme il devait souffrir du froid par ce temps dur, du froid et de la faim aussi. Cette idée empoisonna son dîner, et quand elle eut mis son couvert et l'assiette de Gros Milord sur la petite table qui lui servait pour manger, elle resta un moment sans tremper sa cuillère dans sa soupe, dont cependant elle s'était fait faite à l'avance et qui sentait si bon. Le pauvre malheureux.